Chers amis, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr en ce mois d'août, avec une spéciale autour de la musique de M. Ornette Coleman, qui nous a tiré sa révérence le 11 juin dernier. Il s'agit de la deuxième partie d'un diptyque. On avait déjà consacré une heure et demie la semaine dernière à ce musicien légendaire. D'ailleurs, l'émission est toujours écoutable à partir du blog de l'émission asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Voilà donc pour les retardataires ou les auditeurs qui nous écoutent à partir de leur poste à Galène connecté sur internet. On va attaquer le programme de cette semaine plus ou moins comme on l'a terminé. On l'avait laissé Ornette Coleman vers 1969-70 avec un concert qui avait eu lieu à New York, la ville où il a résidé le plus clair de son temps. Un concert du 16 juillet dans lequel on le retrouvait aux côtés de la section rythmique Charlie Haden, son fils Denardo Coleman à la batterie et Dewey Redman qui jouait du sax ténor et aussi son instrument ethnique sous le nom de buzette. Et je propose d'attaquer avec une session qui date de quasiment la même époque, enregistrée le 22 mars, très exactement 1969, à l'université de New York. L'album s'intitule Crisis. Il est sorti sur Impulse, donc on y retrouve le même personnel aux côtés du maestro Ornette Coleman. On écoute le titre qui est un titre d'ailleurs assez emblématique d'Ornette Coleman, Broken Shadows, lui qui a gravé une bonne quinzaine de titres et de tubes dans le jazz contemporain. On écoute Monsieur Coleman avec ce Broken Shadows. Thank you. À l'instant, dans l'asile le plus sûr, deux petits bijoux et deux pièces assez emblématiques de la musique d'Ornette Coleman. Tout d'abord, le titre Broken Shadows en version concert à l'Université de New York en 1969. Broken Shadows avec son climat méditatif. Une partie des pièces de Coleman tourne un peu dans ce régime de l'introspection et toujours des pièces très très très bien senties qui étaient enchaînées avec Street Woman, qui là est une pièce très enlevée aussi dans le style assez symptomatique de la musique de Monsieur Coleman, un style un peu post-Bird, post-Charlie Parker, mais avec un Charlie Parker joué de manière encore plus oblique que Monsieur Parker ne l'aurait imaginé. Et dans les deux cas, on retrouvait le saxophoniste aux côtés du trompettiste Don Cherry. J'avais omis de vous citer aussi Don Cherry pour la première pièce qui était extraite d'un disque qui était sorti chez Impulse sous le titre de Crisis en 1972, et la deuxième était un enregistrement studio qu'on retrouve sur l'excellent Science Fiction, qui est un album qui est devenu un double album, d'un côté Science Fiction et de l'autre côté Broken Shadows chez Columbia, donc des pièces qui ont été enregistrées avec différents orchestres, notamment le septet de Coleman, septet parce qu'on le retrouvait assez souvent sur ses pièces, ses enregistrements avec deux batteurs, le retour de Billy Higgins sur la pièce qu'on a entendue, c'était presque le quartet d'origine qui revenait à la charge, puisqu'on y retrouvait Charlie Haden, Billy Higgins, Don Cherry et Ornette Coleman, c'est-à-dire l'orchestre historique de 58-59 de Monsieur Coleman sur ce titre de 72, et sur pas mal de morceaux Monsieur Higgins est rejoint par Ed Blackwell, également par Dewey Redman. Il y a parfois aussi une chanteuse qui répond au nom de Asha Putli, ou encore un poète, donc une musique très très inspirée. Je propose d'écouter un autre extrait de cet excellent Science Fiction. Alors je ne sais pas si Monsieur Coleman a rencontré les petits gris au début des années 70. En tout cas, il était très très inspiré avec ce titre Happy House. We'll be right back. Mr. Ornette Coleman en très très grande forme sur ses enregistrements Science Fiction Session qui sont maintenant un double album publié par Columbia. C'était sorti à l'époque en disque simple et également il y avait une partie de ses pièces de 1972 qui figurait aussi sur la version appelée Broken Shadows, comme ce titre qu'on entendait tout d'abord, le morceau Happy House, qui d'ailleurs a été repris aussi par Noël Achoté et différents gangs de la scène française dans les années 90-2000. Ça fait partie aussi des tubes de Monsieur Coleman, de même que Happy House, un titre qui avait été repris d'ailleurs aussi par Noël Achoté en son temps dans les années 90-2000 avec un gang de jazz français. Et sur ce Happy House, d'ailleurs, on retrouvait non pas Don Cherry à la trompette, mais Bobby Bradford, tout premier trompettiste avant même Don Cherry des orchestres de Ornette Coleman, donc vers 1957-1958. Et donc on le retrouvait sur ses enregistrements de 1972. Et le titre qu'on entendait juste à l'instant était pour le moins furieux lui aussi. Il s'agissait de Rock the Clock, sur lequel on retrouve la fameuse musette de Dee Wee Redman. Et Ornette Coleman était au violon crin-crin et aussi à la trompette, donc une session menée tambour battant, on pourrait dire. L'année 72 a été très importante pour Ornette Coleman puisqu'il a enregistré avec le London Sinfonietta la pièce Skies of America en début d'année, plus ces différentes sessions qui ont donné lieu à un double ou triple album. Et à partir de 1972, il va un petit peu se consacrer à son fameux loft qu'il avait à New York qui s'appelait Artist House, qui était situé sur Prince Street. Ornette Coleman qui a fait partie de la Loft Generation, la fameuse deuxième époque du jazz free aux États-Unis, avec quantité de musiciens qui se sont pris en main et qui ont organisé eux-mêmes des concerts. Alors sur le site du magazine anglais The Wire, il y a un tribute à Ornette Coleman qui, avec différents musiciens qui ont posté des souvenirs et qui parlent un peu de pourquoi la musique de M. Coleman était importante pour eux. Et il y a notamment le trompettiste Mark Cunningham qui a fait partie du combo No Wave Mars qui s'exprime et qui raconte que quand il est sorti de l'université en 1974 en Floride, qui est arrivé à New York, il a beaucoup fréquenté le club Artist House dont s'occupait Ornette Coleman et qu'il avait été très très important pour lui. Pour ses débuts, il allait voir à peu près tout ce qui se passait du côté du CBGB, mais aussi du côté de ces lofts new-yorkais qui ont beaucoup contribué à l'évolution du jazz contemporain. Je pense notamment au loft dont s'occupait Milford Graves ou encore William Parker. Alors apparemment, l'artiste house de Ornette Coleman a dû fermer ses portes à cause du voisinage, comme quoi les temps ne changent pas vraiment. Voilà, et on va continuer avec une session de 1973 sur laquelle on retrouve le saxophoniste en compagnie des Master Musicians of Jajouka, le fameux orchestre marocain mené par Bachir Attar, qui a beaucoup essaimé en Occident, notamment du côté des gens de la Beat Generation. Je pense aussi à Brian Jones, qui a beaucoup contribué à faire connaître la musique des Master Musicians of Jajouka. Et donc en 1973, Ornette Coleman avait été sollicité pour enregistrer dans le fameux riff marocain aux côtés de ses musiciens. Et c'est une rencontre assez logique. Il y a des points communs dans la musique de trance des Jajouka marocains et celle d'Ornette Coleman. Un titre extrait de Dancing in Your Head, le morceau Midnight Sunrise, le Master Musicians of Jajouka en compagnie d'Ornette Coleman. Waouh, une séquence de pur free funk dans l'asile le plus sûr, avec du free funk matinée d'art Molody atonal par monsieur Ornette Coleman en compagnie des Master Musicians of Jajouka en janvier 1973 au Maroc pour démarrer. Et c'était enchaîné avec la première incarnation de son Prime Time et un enregistrement de décembre 1976. Le Prime Time qui était l'orchestre qui réunissait Ornette Coleman, les deux guitaristes Charles Ellerby et Bernix qui a fait partie de différentes formules aussi, des Contortions d'ailleurs. Il y avait Rudy McDaniel à la basse et c'était Ronald Channel Jackson qui fut le batteur de Albert Ayler à la batterie et qui accompagnait aussi pas mal avec Ornette Coleman à partir de la deuxième moitié des années 70, à peu près le moment où il a fondé d'ailleurs sa Decoding Society, qui est un bon exemple d'ailleurs de continuation des thématiques chères à Ornette Coleman, la Decoding Society qui a existé jusqu'à la fin des années 80, début des années 90. Et ce titre Homegrown est extrait de Body Meta, qui est un enregistrement donc de 1976 qui s'est retrouvé chez le légendaire label A&M. Et dans cette même session enregistrée d'ailleurs au studio Barclay à Paris de décembre 1976, il y avait d'autres musiciens embarqués tels que Jamaluddin Takuma qui lui se retrouve sur une autre galette. Donc ça a été enregistré dans le même mois, alors je ne sais pas si c'est le même jour, en tout cas l'autre disque Body Meta est très très très très chouette, de même que ce Dancing in Your Head. Je vous propose d'écouter le thème From Symphony, qui est un peu le free jazz de Ornette Coleman, mouliné par le free funk de la fin des années 70. On écoute la variation numéro 2 de ce thème From Symphony. We'll be right back. Dans l'Asie le plus sûr, la veine rock et plutôt très rock d'ailleurs de Ornette Coleman dans ses œuvres avec deux orchestres de la fin des années 70. Tout d'abord son Prime Time et un extrait de ce thème From Symphony de Dancing in Your Head, l'album enregistré en décembre 76, publié en 77 par le label A&M, qui était enchaîné avec un disque avec quasiment le même personnel enregistré en 78. Il s'agissait du quartet de James Blood Ulmer en compagnie de Jamaldine Takuma à la basse et d'Edardo Coleman était à la batterie et Ornette Coleman officiait donc au sax alto et à différentes compositions sur ce disque qu'il avait lui-même produit d'ailleurs. C'était publié à l'époque par son propre label Artist House et donc ça illustrait vraiment la musique de Coleman à cette époque, ses recherches autour du free funk avec comme toujours son style des années 60 qui remontait à la surface et une recherche harmonique de très très très haute volée. Voilà, on se souvient aussi d'ailleurs qu'il avait collaboré aux côtés de Jerry Garcia pour un enregistrement qui était paru aussi sous le titre de Virgin Beauty, un enregistrement du Ornette Coleman Prime Time en compagnie de Jerry Garcia. Je vous avais proposé ça d'ailleurs dans l'Asile le plus sûr au mois de juin, lorsqu'on avait su la nouvelle de la disparition de Monsieur Coleman le 11 juin 2015. Voilà, donc on va continuer avec la musique de Coleman, cette fois-ci en compagnie d'un autre guitariste. Il s'agit de Pat Metheny, guitariste aussi parfois joueur de guitare synthé d'assez mauvais goût. Je vous avouerai que je ne suis pas un grand grand, grand amateur de ce guitariste, de cet album non plus d'ailleurs, Song X, qui a pourtant marqué pas mal les esprits, et pour cause, la rencontre entre le guitariste Pat Metheny, qui était déjà une grande, grande star, et ce pour le label Geffen Records, qui apparemment, Pat Metheny qui a eu quelques soucis avec Geffen Records, qui ne devait pas être très, très content du résultat, il semblerait. En tout cas, il y a quelques belles pièces qui émergent de cet album. Je propose d'en écouter deux avec une miniature pour commencer, All of Us, et puis un thème de Ornette Coleman assez classique, Mob Job. Pat Metheny et Ornette Coleman. Thank you. Le lyrisme d'Ornette Coleman noyé dans la réverbe, extrait de ce disque In All Languages, qui était un double album publié par Caravan of Dreams Production en 1987. Enfin, il y avait deux parties à cet album, une version quartet dans laquelle on retrouvait Billy Higgins, Charlie Haden, Ornette Coleman bien évidemment, et aussi parfois Denardo Coleman selon les pièces, pour cette incarnation du quartet, et une version prime time dans laquelle on retrouvait un peu tout ce que fait les bonnes heures du prime time, à savoir la basse de Jamaluddin Takuma, les deux guitares de Bernix et Charlie Ellerbe, et Denardo Coleman avec son jeu de batterie tricoté du plus bel effet. Double album assez méconnu de Ornette Coleman, avec des pièces telles que ce Space Church Continuous Services au lyrisme assez incroyable. Juste avant, il s'agissait de l'album de l'année précédente, de 1986, publié par les bons soins du label Geffen Records, qui marquait la rencontre entre Pat Metheny et Ornette Coleman. Un album peut-être un peu malade, enfin en tout cas à mes yeux, j'en suis pas complètement raide gaga, même s'il y a quelques joyeusetés à l'intérieur. On va continuer avec une incarnation des orchestres d'Ornette Coleman, qui a beaucoup réduit le rythme de ses enregistrements et de ses publications à partir des années 80 et aussi des années 90-2000. Il a quasiment rien publié dans les années 90 et dans les années 2000 quasiment rien non plus, à l'exception de ce Sound Grammar, qui est un disque qui marquait un peu le renouveau d'Ornette Coleman. Il a été enregistré en concert en Allemagne à Ludwigshafen le 14 octobre 2005 très exactement, et je propose d'écouter un titre là encore de lyrisme introspectif made in Ornette Coleman, le morceau Sleep Talking. We'll be right back. Sleep Talking, une pièce de la dernière période d'Ornette Coleman, publiée il y a une bonne dizaine d'années sur ce disque Sound de Grammar, un live d'une formation d'Ornette Coleman dans laquelle on retrouvait deux contrebassistes, dont Greg Cohen, qui s'était carapaté des orchestres de Tom Waits pour enregistrer aux côtés de Tony Falanga, l'autre contrebassiste. Denardo Coleman était à la batterie avec un jeu assez minimal sur cet enregistrement donc de 2006, publié par le propre label d'Ornette Coleman, Sound Grammar, un disque qui avait remporté d'ailleurs le prix Pulitzer. Ornette Coleman qui s'est vu remettre pas mal de récompenses et de distinctions sur la fin de sa carrière, ce qui est quand même plutôt assez incroyable quand on sait les polémiques qu'il a pu véhiculer depuis le début des années 60. Et voilà donc pour la rétrospective qu'on lui a consacrée sur deux numéros de l'Asile le plus sûr. Je ne me risquerai pas à vous donner une définition de l'harmolodie, le concept cher à Ornette Coleman qu'il a commencé à développer à partir de 67 et surtout à partir des années 70. Je crois que personne, aucun musicologue de ce bas monde n'a réussi à comprendre la pensée musicale de Ornette Coleman, qu'il a emporté avec lui dans la tombe, et c'est tant mieux comme ça. Et je vous propose de terminer avec une dernière pièce et un orchestre qui rend hommage à Ornette Coleman. Alors je voulais conclure avec une reprise d'Ornette Coleman, évidemment de Lonely Woman, et qui mieux que l'orchestre Old and New Dreams, qui réunissait Charlie Haden, Dewey Redman, Don Cherry et Ed Blackwell, que ces quatre lascars-là pour rendre hommage à la musique d'Ornette Coleman. C'est ce qu'ils avaient fait avec cette incarnation et ce disque de 1979 publié par ECM Records. Ils avaient enregistré trois disques au compteur, le groupe Old and New Dreams, avant que Ed Blackwell ne passe l'arme à gauche. Don Cherry également quelques années plus tard. Charlie Haden est décédé aussi l'an dernier, et Dewey Redman est mort lui il y a de ça une dizaine d'années. Voilà donc l'aventure du jazz continue avec des jeunes musiciens qu'on découvre tout au long de l'année dans l'Asile le plus sûr. Je vous rappelle que les playlists et l'intégralité de ces émissions sont écoutables et podcastables à partir du blog asile35.blogspot.fr. On se retrouve à partir de la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine.